Bonjour. Bon. Hier, je me suis couché un petit peu plus tard que d'habitude parce que je voulais écouter l'après 24, là. Puis, bon. Moi, j'ai décidé que je m'occuperai plus de ces gens-là. Je vais tout faire pour pas m'en occuper. Pour pas m'en occuper. Parce que là, c'est gênant un petit peu. Ça commence à devenir gênant. J'avais fait une vidéo, je sais plus si c'est dans le direct ou dans, je pense c'est dans le direct, où maudit chat, où je disais, excusez, où je disais, je parlais de l'astral, puis je disais, moi, la Sainte Vierge, elle m'apparaîtra pas, là. Mais j'étais loin de me douter que la bifurcation, ça serait ça. Ça serait ça. Mais bon, comment que ça fonctionne, l'astral? Comme il y a l'oiseau manqueur dernièrement, il dit, ça se défend, ces forces-là. Eh oui, ça se défend. À qui le dis-tu? À qui le dis-tu que ça se défend? À un moment donné, il y en a une tireuse de cartes. Elle voulait à tout prix me tirer aux cartes, puis je voulais pas. Je voulais pas, parce que, bon, j'ai pas à expliquer pourquoi, là. Je le ferai pas. Vous êtes censé savoir pourquoi. On fait pas ça. En tout cas, ça dépend, là, si vous comprenez certains phénomènes, vous vous adonnez pas à ça. Finalement, elle me tannait tellement, je lui dis, OK, mais je t'avertis, je vais tirer juste du pic. Parce que les forces, je les connais. C'est comme dans Hippolyte et Aricie, quand notre héros, il paraît devant les parcs, tout ce qu'elle trouve à lui dire, c'est quelle soudaine horreur ton destin nous inspire, tremble, frémit d'effroi. C'est-à-dire toujours des menaces, se servir de la crainte, se servir de la peur. En tout cas, la dame m'avait tiré aux cartes, puis j'avais sorti rien que du pic, comme j'avais dit. Puis elle m'avait dit, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois une affaire de même. Ben oui, mais moi je le savais. Ce que je vous dis là, ça fait une vingtaine d'années. Ça fait une vingtaine d'années. C'est pas d'hier. Quand j'observe certaines choses, que je suis au courant de certaines choses. Là, bon, notre ami, l'ésotériste du Nouveau Monde, comme c'était le seul. Il n'y en a jamais eu autant, je pense. En tout cas, là, il avait mis sa cravate bleue, des enfants de Marie, puis il recevait, puis finalement, c'était complètement une diversion de parler complètement autre chose. C'est de voir que. C'est censé être lié au christianisme, ce dont il parlait, puis il n'y a jamais été question de rien, là. Rien. Puis bon, vous savez, comme je parlais, le relativisme moral, là, qui sommes-nous pour juger? Hey! Il n'y a personne qui va nous reprocher d'avoir du jugement, du discernement, parce que jusqu'à un certain point, c'est ça l'intégration, puis on est là pour ça. L'affaire, c'est pas de juger genre l'ancienne pierre, mais au moins de reconnaître. C'est quoi? Un chat, un chat. Hein? Appeler un chat, un chat. Là, moi, je l'avais dit, j'ai dit à un moment donné, il va falloir qu'ils se rendent compte que ces petits gris, c'est de la crise de manipulation. C'est tout. C'est tout. Puis, c'est à chaque individu d'avoir la capacité, justement, de ne pas embarquer dans des affaires de même. Là, je vais mettre dans la description un lien, une chaîne là, qui est pas pire, puis qui reprend, c'est la première vidéo d'une série de 5 que j'avais partagée à des gens en privé, qui reprend les travaux de l'ufologue et journaliste indépendant John Keel. Donc, c'est 5 vidéos, puis je trouve que ça résume très bien, dans le fond, la position que j'ai toujours eue un peu de ce qu'on peut entrevoir à travers ces phénomènes-là, entre autres. Entre autres, parce qu'il faut comprendre que, bon, il y a des agences de renseignement, on va appeler ça comme ça, qui ont aussi récupéré le phénomène puis qui s'en servent. Mais il y a autre chose aussi. D'autres affaires, puis ça fait des millénaires que ça dure. Prenez l'affaire, c'est quoi le prince de la Terre? C'est quoi le maître de l'air? Hein? L'importance de dormir la nuit. À partir de quelle heure dans le méridien des poumons le plus actif? À 3 heures du matin. Alors, à un moment donné, là, on ne peut pas rejeter la connaissance, par exemple, qui nous a été amenée par les Juifs, par les Chinois, Puis à un moment donné, ben, à force d'être éclectique, puis d'avoir une certaine culture générale, c'est-à-dire de l'information d'enregistrer dans l'âme, ben, maintenant, il y a un principe qu'on pourrait appeler l'esprit qui fait qu'on voit. Il y a des liens qui se font, les pièces de casse-tête s'emboîtent, puis on finit par comprendre certaines choses. Pas comprendre au sens nécessairement de l'intellect, ça vient après. Bon, on commence, on voit. On voit d'un coup. Donc là, l'affaire, le monsieur, je l'écoutais, puis bon, ça n'a pas l'air d'un mauvais monsieur. C'est jamais du mauvais monde, c'est ça, là, justement, qui est sournois. Qui est sournois. Parce que c'est clair que ce monsieur-là est moins méchant que moi. Hein? Je passe souvent pour pas fin. Ouais. C'est vrai que des fois, je suis pas fin, puis des fois, je peux être rough pas mal. Mais il y a des raisons pour ça. Des raisons pour ça. Mais bon, là, je l'écoutais. Vous vous souvenez quand Marcel Leboeuf avait passé à Tout le monde en parle? Je sais plus si c'était pour ses histoires de collier de noisetier, là. Mais à un moment donné, il avait passé à Tout le monde en parle, puis j'avais écouté l'entrevue, puis c'était insupportable. Parce qu'il y avait juste un mot dans la bouche. Marcel, Marcel, Marcel, Marcel, Marcel. Mais le monsieur, hier, c'était Claude, Claude, Claude, Claude, Claude, Claude, Claude, Claude, Claude, Claude. Claude, il n'y avait rien que ça dans la bouche. À un moment donné, on reconnaît. On reconnaît. C'est comme la gang là, qui ont comme devise là, je me souviens de qui je suis. Hein? Ça pourrait aussi bien être je mais moi, là, la devise. C'est très, très subtil, le luciférisme, puis c'est par de l'inconscience, c'est-à-dire que vous pouvez être luciférien de facto sans le savoir. Puis c'est très, très, très subtil, ces forces-là, c'est très, très fort. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que... Je serais malhonnête, là, de le parler autrement, parce que, bon, c'est une question d'être honnête à un moment donné. C'est pour ça que, bon, monsieur hors matrice, là, j'ai envoyé un lien, puis je l'ai écouté. Ben, je ne l'écouterais pas s'il ne m'envoyait pas des liens. J'ai écouté ça. Puis, bon. Bon, là, un instant, il y a plusieurs affaires là-dedans que je m'excuse, là. Désolé, mais j'embarque pas. Je peux pas embarquer là-dedans parce que, bon, je vois une certaine forme de gnosticisme là-dedans. Je vois un paquet de vieilles choses qui reviennent sous d'autres formes. Puis, bah, tu sais, l'affaire, c'est pas de jeter la pierre ou de dire ça, c'est ça, là. Mais, me semble que c'est ça. Ça sonne pas mal de même. Me semble que c'est pas mal ça. Prenez Joe Biden, là, quand il parle, puis qu'il se lève les mains comme ça, là, puis il parle, bah, on dirait un curé qui fait une homélie, là. Ben, à un moment donné, c'est parce qu'on le voit par une espèce de manque de spontanéité. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, puis c'est pas fluide. Puis bon, moi, à un moment donné, c'est ça, je regarde ça aussi. Je regarde ça aussi, puis je le sens pas. Je le sens vraiment pas. Puis bon, je pense pas que c'est nécessairement du monde mal intentionné, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ça se sent. Ça se sent. Il y a quelque chose d'un petit peu. Bon, je vais pas prendre au pied de la lettre, mais disons, il y a quelque chose de fake un peu. Donc, moi, c'est sûr, j'aime pas ça. Je regarde ça et je me dis, bon, c'est quoi ça encore? C'est quoi ça encore? Parce que, comme l'oiseau moqueur, il dit, ça se défend. Ben oui, ça se défend. Ça se défend. Ça fait au-dessus de 20 ans. C'est rien que tout le temps de la marde qui arrive. Puis là, il y a tout le temps du monde qui sont dans une certaine forme ésotérique de relativisme moral qui vont dire, ah, oh, ben, blablabla, oh, bon. Il s'agit des fois d'être un petit peu moins émotif, de ne pas se laisser atteindre. Puis c'est des cycles, hein, puis c'est comme des tempêtes. Puis on finit, on s'accroche au mât du bateau, puis on passe à travers tout le temps. Puis finalement, on est content d'avoir vécu des problèmes, puis on est content d'avoir passé à travers, parce que c'est ça qui est formateur. À un moment donné, le docteur Gilbert, il disait, je ferais jamais ce que je fais là si j'avais pas eu des problèmes. Puis là, il rajoutait, merci Seigneur pour mes problèmes, je l'avais trouvé bonne. T'sais, je veux dire, c'est. Même moi, si on regarde au-delà de la forme, il reste que c'est ça pareil. Il reste que c'est ça pareil. Donc, même les attaques, c'est là qu'on pourrait dire il y a possibilité de convertir. C'est-à-dire que si vous êtes capable de vous servir même du négatif, même ce qui vous arrive de négatif, vous allez être en voiture. Ça va y aller par là. Mais là, comme Glenn, là, bon, le monsieur avait une chemise bleue, Glenn il avait mis sa cravate bleue. couleur des affaires de Marie, puis tout. Puis j'étais un petit peu dans le mood et tout, parce que j'écoutais ça, puis j'étais bleu. J'étais bleu. C'est une façon de parler, là. Mais il reste que là, à un moment donné, là, c'est quoi, là? C'était une façon de se défiler, je veux dire. Bon, ben, coudonc, c'est correct. Moi, je veux plus m'en occuper. Je m'occupe plus de lui. Puis pareil pour la gang à Lanctot, là. Je m'occupe plus de ça. Il veut rien savoir. Pareil aussi, là, pour des tireuses de cartes, là. Que au lieu de se servir de son discernement, puis tu sais, je veux dire, même, tu sais, souvent je vais parler de ce qui est au-delà de l'intellect, mais il y en a juste se servir l'intellect, tu es pas capable. Non, faut on tire aux cartes pour savoir, voyons là. Hey, c'est quoi les forces de l'irrationnel? Comment ça agit? C'est quoi ces supports-là? Puis l'interprétation, puis bon. Finalement, le ressenti réel, c'est plus proche que ça, là. Plus proche que ça. Puis, j'ai tellement souvent regretté dans le passé de pas m'être fié, de pas m'être fié à ça, que là, je commence à me dompter. Je commence à me dompter. Ça va bien plus vite, hein. Ça va plus vite si on apprend à se fier à son ressenti, puis on intuite, hein? Il y a une différence entre les instincts puis l'intuition, c'est bien subtil. Mais bon, il y a tout, bon. Hein? Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Monsieur hors matrice, là, je ne suis plus intéressé à vous écouter, vraiment plus. Là, l'affaire, là, de... Des fois, il y a du circonstanciel, puis là, dire preuve hors de tout doute, voilà. Un instant. C'est comme l'affaire, comme Glenn, quand il parlait séparer le bon grain de l'ivraie. L'affaire, c'est que, au niveau de ce qui avait été dit par rapport à ça, puis les paraboles, c'est d'avoir du discernement, pas de séparer le monde en deux catégories, là. C'est pas de même que ça marche, là. Par contre, quelqu'un qui parle que c'est de même que ça marche, j'ai de la misère. Là, il se fait le discernement. Séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, bon, Guise, puis je mets moi, souviens de mes moi, non, non, là, je suis tanné, là. C'est pas de mes affaires, dans le fond. Je veux pas m'occuper de ça. J'ai cette espèce de côté-là. Des fois, bon, ben, je me dis, j'aurais peut-être dû faire une police. C'est-tu de valeur que ça soit corrompu? Parce que peut-être me serais aligné là-dedans, mais sachant que, bon. À un moment donné, c'est une question de valeur aussi. Puis bon, j'aurais pas été yaop, là, comme j'aurais pas été ben bon. Je pense pas, j'aurais tout le temps eu des problèmes avec la hiérarchie, puis bon, j'aurais tout le temps eu des problèmes. De toute façon, bon, là, c'est sûr qu'on finit quand on a tout le temps des problèmes pareils, mais il reste qu'on peut, ça se gère mieux. Ça se gère bien mieux. Il y en a qui me lâchent pas. Puis même, souvent, ils disaient que ah, oh, ben, je m'occuperai plus de toi et puis tout. Puis je leur disais non, non, tu me lâcheras pas, tu pourras pas t'en empêcher. Ça, c'est parce que, comme quand on disait des forces qui se défendent, hein, on vient qu'on le sent, on le sait. Puis surtout, quand on le sent dès le début, là, puis qu'on opère tout de suite un tri là, le plus rapide, on essaie de le rapidement possible, ben, le monde, au niveau de leur ego, de leur psychologie, ils le prennent pas. Il y en a qui ont subi du rejet, puis ils ont de la grosse pépine, hein, dans leur petit cœur. Donc, à un moment donné, bon, ben, ça devient subtil, ça devient compliqué. Parce qu'au niveau du ressenti, puis de la vibration, si vous rejetez immédiatement, puis que vous ignorez immédiatement, les gens, ils en conçoivent du ressentiment, puis tout, puis ça revient, puis là, ils vous lâchent plus. D'un autre côté, si vous rejetez, vous triez, avoir de la sélectivité à partir d'un moment plus long, puis tout, ça peut encore, ça va, ça engendre la même affaire dans le fond. Donc, on peut avoir du discernement plus rapidement, en intuitant, puis en se fiant à un certain ressenti, à l'expérience aussi. Mais finalement, ça aboutit des fois au même résultat. C'est juste qu'on perd un petit peu moins d'énergie, on perd un petit peu moins de temps. Mais il reste que c'est pas magique. Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Mais là, l'affaire. Prenez comme là, hein, Monsieur Matrice s'est dit que ce qui arrive avec Glenn, c'est pour démontrer l'arnaque de la supraconscience. Il n'y a pas rapport avec la supraconscience, Glenn. Il n'y a jamais eu rapport dans le fond. Il n'y a jamais eu rapport là-dedans. Voyons, là. Bernard, il avait dit, ils t'ont programmé. Ou c'est fini, l'ésotérisme. Jamais, ça n'a jamais rentré. C'est pas parce que c'est un mauvais bonhomme. C'est parce qu'il est un peu... Bon, je vais essayer d'être fin, là. Mais bon. Prenez le terme supramental. Ça veut juste dire au-dessus du mental. C'est tout. On a tout à un moment donné des contacts avec l'intelligence qui ne passe pas par l'intellect. Voyons, là. Hein? À un moment donné, j'avais donné cette définition-là à un, puis j'avais dit, Dieu, il est au-delà de il est au-dessus de l'intellect humain en tant qu'intelligence. Donc, Dieu est supramental. Le gars était enragé. J'ai dit, ben oui, mais regarde la définition comme faux, puis tout, puis essaye de m'argumenter que ça ne marche pas. Ben oui, c'est sûr qu'il n'y a pas le choix d'être supramental. Dieu, s'il est au-delà du mental humain, de l'intellect. À un moment donné, là, c'est parce que, bon, le monde, c'est les formes. Mais la forme, c'est un indicateur. Ça peut être un indicateur de ce qu'il y a en arrière de la forme. C'est pour ça que maintenant aussi, au niveau même de l'apparence physique, hein, c'est un indicateur de... c'est une densification un petit peu le corps, puis c'est un indicateur, entre autres, la génétique, un paquet de choses. C'est pas de juger ça, c'est d'avoir du discernement. Du discernement. Alors regardez nos dirigeants comme ils sont laids, systématiquement laids. Du monde laid, là, mais laid, là. C'est pas drôle d'être laid de main. Puis là, c'est là que c'est important d'avoir des petites notions de psychologie. C'est quoi une activité de compensation? Ben, une des choses qui fait que je m'en sors pas trop pire, c'est que je m'en fous de ce que le monde y pense. Sinon, je ferais plus rien. Je serais fait. À un moment donné, là. Puis, là où ça peut être un désavantage, par exemple, d'avoir un certain amour-propre, je parle pas ici d'égoïsme là, ou d'amour de soi comme les Gugus parlent, là. Où ça peut être un désavantage, c'est que, bon, on est un petit peu moins ambitieux à un moment. Hein? On vient que dans notre vie, on est un petit peu moins ambitieux. Puis on est un petit peu moins porté à vouloir faire des choses qui attirent des honneurs, des choses comme ça. On vient qu'on s'en fout. On s'en fout complètement. Mais tout ça pour vous dire que, finalement, bon, c'est pas de mes affaires. C'est pas de mes affaires, l'autre, la tireuse de cartes, l'ancienne trumpiste, ben encore, qui a fait des tirages de cartes. Puis voyons, là, c'est pas sain, nanana, en tout cas. Puis, on va laisser faire. On va laisser faire. De toute façon, moi, je vous le dis, il y a quelque chose en arrière. Il y a quelque chose en arrière. Il y a d'autres choses. C'est... Puis là, l'oiseau manqueur, il parlait de ça, c'est d'un acteur, ça, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas tort. Je pense qu'il n'y a pas tort. Ça a l'air des opérations de récupération pour noyer le poisson. Prenez même la dissidence en France. Ça a tout le temps été une opération de récupération. Puis là, voyons là. Ça paraît, Carlis, ça paraît, je m'excuse, mais ça paraît, ça transparaît, puis bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, comme il y en a, ça aurait été le temps à un moment donné de partir de l'Europe, c'est pas beau ce qui s'en vient, mais bon, on peut pas essayer d'avertir le monde subtilement, même il y a 5 ans, j'avais dit à quelqu'un, j'ai dit, tu serais peut-être mieux de t'en aller de la France, là, d'aller peut-être, je sais pas, moi, dans certains États américains ou peut-être même au Québec. Puis tu dis, non, tout va bien, tout va se régler, puis tout. Puis j'ai dit, ce qui s'en vient, c'est de l'inflation, là. Le coût de la vie va. Ça sera pas pareil, là, d'ici quelques années. Puis la personne, non, blablabla. Bon, c'est correct, moi, je force pas personne. Je donne une certaine information. Je fais un certain effort. Justement, des fois, bon, des petits chocs. Pourquoi? Parce qu'il y a de la programmation là-dedans. Il n'y a rien d'autre. Mais les conséquences peuvent être terribles. Parce que, bon, ce qui n'est pas vu consciemment, il va falloir l'intégrer par l'expérimental. Ça, c'est pas drôle. C'est ça qu'il faut éviter. J'essaie de donner des voies rapides, mais ça marche pas tout le temps. Puis moi-même, c'est loin d'être parfait, mon expérimental, là. Donc, des fois, ben, bon, on gère, puis on essaie de régler la mesure. Puis, de quoi demain va être fait, de présent. Hein? Le futur est visible en germe dans le présent. Ça, c'est une question de vue. Une question de vue. Là, M. Eglène, il veut pas s'expliquer sur son contact. Comment ça qu'il n'est pas enragé? Il n'est pas enragé noir contre ces bébites-là, ces créatures, ces êtres-là, peu importe ce qu'il y a en arrière. Ça ferait longtemps, moi, que je me serais choqué. Je me serais choqué, j'aurais reviré ça de bord. Mais non. Tu sais, ou même les forcer à répondre. Mais non, il est complètement assujetti. Ils disent, oh, ils disent de pas parler de ça. Ben, bon, va te cacher, tabarnak, puis ferme ta gueule, hostie, si tu veux pas parler, Chris. C'est tout le temps des hosties d'acreurs. C'est tout le temps du pétage de cartoon, puis des hosties d'acreurs. Puis on peut rien faire de concret avec. Rien! Rien, rien, rien, rien. Donc, je vous mets en description le résumé très bien fait. C'est cinq vidéos. C'est la première d'une série de cinq vidéos sur les travaux du journaliste indépendant, ufologue John Keel, qui a été d'ailleurs, comme Jean Ferguson au Québec, extrêmement honnête et quand même très objectif au niveau des hypothèses de travail par rapport à l'étude des phénomènes. Parce que des ufologues qui ont vu des liens avec d'autres phénomènes, notamment là, les nouvelles enjeux là, qui ont certaines pratiques, là, sont portées à. Ouais. Il y a des affaires qui se passent. C'est drôle, souvent dans des manifestations ufologiques, ils portent à voir certains phénomènes, comme des phénomènes de poltergeist dans les maisons, des choses comme ça. Mais ça, les soucoupistes, ils n'en parleront pas parce que ça défait la vision, ça défait leur patente, l'idéologie qu'ils ont dans le fond. Que finalement, ça se défend comme une religion, puis tout. Puis comment ça que tout le monde, les soucoupistes, puis tout, que c'est bourré de rosicruciens, puis de francs-maçons, puis. Voyons, là. Comment ça, donc? Hein? À un moment donné, il faut le regarder, ça, puis se poser la question, comment ça se fait? Comment ça? Puis aussi, pourquoi, même au niveau de l'ufologie, puis tout, il y a tout le temps des affaires de mœurs? Tout le temps. Souvent, en tout cas, souvent. Des fois, elle gratisse un petit peu. Oups! Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça marche, l'astral? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne par rapport à la libido en tant qu'énergie qui peut servir à nourrir des phénomènes? Pourquoi il y a un lien? À un moment donné, il va falloir le regarder, ça. Mais là, ça, c'est au niveau de l'individu. L'individu, je m'adresse à des individus, jamais une gang. Jamais une gang. Il y en a un qui parlait, oh, le phénomène bertholdien. Vous m'accordez pas mal plus d'importance que j'en ai. Je suis juste un petit trou de cul dans son coin qui. Ça donne de temps en temps, je prends un micro puis je parle. J'essaye d'être le plus spontané possible. J'essaye de finalement partager un petit peu ce que je vois. Puis aussi. Jusqu'à un certain point, ce qui est intégré par l'expérience. Parce que les phénomènes ufologiques, oui, il y en a. Oui, il y en a. Mais là, c'est du non-identifié, dans le sens que même quand vous le vivez, dans le fond, de jamais tomber dans le piège de penser savoir ce qu'il y a en arrière. C'est ça l'hypothèse de travail, entre autres. Parce que dès qu'on fige dans la forme, on est fait. On est fait. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'on est manipulé dans notre mental. Puis là, les histoires de matrice, là, puis de gnosticisme remonché, puis tout, là, non. Désolé, là, j'embarque pas là-dedans. Oui, il y a des plans, oui, il y a du subtil, mais c'est encore des affaires qui risquent de nous détourner du concret puis de la matière, puis j'aime pas ça du tout. Puis la gang, là, j'aime moi, là, fuck, là, je suis écœuré de ça. Ce que je fais là, pensez-vous que je le fais pour moi ou juste pour moi? À un moment donné, je risque bien plus gros au niveau d'un investissement. Ça ne sera pas très rentable. Hein? Ça ne sera pas très rentable. Ça fait un bout de temps que je suis spoté. Même en 2012, quand j'étais sur Facebook, j'étais spoté. Hein? Ouais. C'est là que. il y avait du monde qui venait essayer de faire ce que j'écrivais. Puis là, après, gratte un petit peu, oups, des francs-maçons, oups, lui, il est dans la marque, oups, hein? C'est tout le temps les mêmes clics, les mêmes gangs. Puis des fois, on peut soupçonner et tout que il y a des affaires comme les services de renseignement, des choses dans la main. Pourquoi? Ben parce que c'est une question de. Ça commence dans le subtil, hein? Puis la pensée, entre guillemets, la pensée, ben c'est subtil, ça. Puis il y en a qui savent, ce qu'on pourrait appeler les initiés de la connaissance, qu'il faut intercepter l'énergie quand elle est dans le subtil avant qu'elle se densifie dans la matière. Parce que jusqu'à un certain point, c'est une guerre pour l'énergie, mais aussi pour le plan matériel. La domination, ça faut souvent se faire. Dans le subtil puis tout, mais souvent le gain qui est recherché, ça va être le matériel. Entre autres, c'est une guerre pour le matériel. Il y en a qui disent, pourquoi le Québec serait un laboratoire puis que les Québécois seraient les plus manipulés que d'autres peuples? Ben, Chris, réveille, tabarnak, t'as pas vu toutes les ressources qu'il y a? Le Québec, c'est un des endroits les plus riches au monde. Pourquoi vous pensez qu'Haïti sont tout le temps dans la marde? Parce qu'ils sont riches! Ils sont riches, puis ils savent même pas. Ils savent même pas à quel point. Je parle de la majorité, là, il y en a des Haïtiens qui le savent. Qui le savent pourquoi que des pays comme les États-Unis, le Canada, la France, entre autres, vont tout le temps tout faire pour qu'Haïti reste dans la marde. Pourquoi? Parce que les Haïtiens sont d'une richesse extraordinaire au niveau de leurs ressources. Puis c'est pareil le Québec. C'est pareil le Québec. Bientôt, l'eau va être un enjeu important. Hein? Hein? Regardez, là, toutes les masques là, qui ont été jetés à terre. Là, quand j'en voyais, j'y ramassais puis je les jetais, là. Mais imaginez ça, que ça va se défaire, ces petites particules de plastique-là. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ça va finir dans la nappe phréatique, ça va finir dans notre sang. Puis ça va être cancérigène puis tout. Est-ce que la petite Suédoise, là, Greta Thunberg, a dit-tu quelque chose, elle? Mais non! Parce que c'est une crise d'actrice, comme toute la gang. C'est toutes des hosties de Saint-Sacrilège, de maudits bâtards, d'acteurs, de merde! Puis à un moment donné, hein, ça se voit et ça se sent. Il y en a qui sont sincères. Comme, bon, Glenn, je pourrais dire que c'est une victime, il est programmé, il est manipulé, il sert à il sort les plans, puis blablabla. Mais il y en a que c'est consentant. Il y en a que c'est consentant, puis qui à fond la job parce qu'ils le veulent bien. Eux autres, là, je vois tout le temps, c'est moi, mon mot d'ordre, c'est pas de quartier, pas de quartier. Puis attendez-vous jamais de la pitié de la part du monde qui le voit, ça. Puis, ouais, il y en a un qui vient me dire, oh, tu récoltes ce qu'on sait, moi, ouais, justement, faites bien attention. Faites bien attention. Parce que quand on a beaucoup souffert, entre autres psychologiquement, qu'on a connu beaucoup de misère, parce que le fun quand on a mangé beaucoup de misère, c'est que tout est bon sur la table. Puis prenez, par exemple, si on apprend par les événements, puis qu'on intègre l'expérimental, on finit que on se contente de peu quand même, puis on aura toujours le nécessaire jusqu'à un certain point. Puis ça, c'est une force que les serviteurs du prince de la Terre n'ont pas. Pourquoi? Parce que c'est des esclaves, eux autres, les vrais esclaves. Il y en a des esclaves qui sont millionnaires. Il n'y en a rien qu'en masse. C'est des putains. C'est des prostituées. Ben, anciennement, au 19e siècle, on voyait un lien entre les actrices, puis c'était un petit peu des escortes de luxe. Hein. Ben, c'est la même affaire de nos jours. C'est toutes des putains. C'est toutes des putains. Puis souvent, là, des fois, là, ils font la vierge offensée un petit peu, là, puis là, commence à vous attaquer à ma vertu. Vous n'aurez pas de pitié de ma part. Jamais, jamais, jamais, jamais. Par contre, ceux que, au niveau de leurs sentiments réels, je parle des vraies valeurs comme la justice, la vertu, la dignité humaine, la vie humaine. Vous autres, je vous considérez toujours comme des alliés. Mais on a le droit de discerner un peu, puis on a le droit d'être sélectif aussi. Parce que des fois, ben, vaut mieux être seul que mal accompagné, hein? Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.